Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Danny Veilleux. Bon, on va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord de Cassandra Baudette qui s'est vu octroyer sa place sur l'équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte-piste pour l'automne. Cassandra Baudette va participer aux différentes Coupes du monde. Elle a été choisie par un choix discrétionnaire de la part de Patinage de vitesse Canada. Parlons de Samuel Girard. Il est de retour d'un camp exceptionnel avec les Prédateurs de Nashville. Il est de retour à Shawinigan. Et en entrevue sur les ondes de danadosport.com hier, ben, il a mentionné qu'il était très, très content, évidemment, de son camp d'entraînement. Oui, exactement. Comme tu dis, moi, j'allais là comme premier but, c'est de percer l'alignement. Je suis arrivé là en tant que recrue. Puis j'ai montré justement aux dirigeants qui étaient là qu'est-ce que je voulais sur la glace. C'est vraiment ça mon objectif aussi, de prouver dans le fond à tout le staff, puis à l'entraînement, aux entraîneurs puis au directeur général que je pouvais performer dans même si j'ai. Et dans un deuxième temps, il nous parle de son expérience d'avoir joué avec Piqué Souban sur la même paire de défenseurs. Oui, exactement, comme tu dis, c'est assez impressionnant, là, mais c'est moi en tant que joueur, c'était là dans le même job que lui, il fallait que je me laisse impressionner, mais comme tu dis. C'est sûr que c'est impressionnant d'être à côté de lui et jouer sur le même duo que Piqué Souban. Comme j'ai dit tout le long de mes entrevues pendant le camp, il fallait pas que je me laisse impressionner par eux, puis il fallait que je continue à jouer ma game. Puis justement, même lui qui me le disait de pas m'en faire, puis de jouer ma game, puis pour me laisser impressionner par toutes les grosseurs qu'il y avait là, par lui. Et dans un dernier temps, Samuel Girard nous parle qu'il ne devrait pas avoir de problème de faire un retour avec les Cardinals de Shawinigan, même après avoir connu un camp d'entraînement. Généralement, il y a toujours une petite baisse d'intensité, mais Girard, lui, ne voit pas de problème. Ben, tu sais, c'est sûr que le calibre de jeu, quand je passe du camp national à Junior, c'est sûr que le calibre est un petit peu moins vite, puis l'exécution aussi, mais je pense qu'il va encore faire, il faudrait que je fasse encore une petite adaptation là, de ce que j'ai vécu dans les trois dernières semaines à ce que je vais vivre dans les prochaines semaines, mais je devrais pas avoir de